Une aventure au Mont-Blanc par Paul Hervieux. Chapitre 1er. Quand j'arrivai à Chamonix, la nuit avait depuis longtemps noirci la vallée. Quelques lumières en ville éclairaient le seuil des pensions, le pont sur l'Arve et la place qu'encombrait la compagnie des guides en quête de clients. Ma monture se frayait un passage au milieu de ces groupes patients et taciturnes, et je l'arrêtai à la porte de l'hôtel de l'Ours. J'étais harassé par 15 heures de chevauchée à travers les montagnes de la Savoie, et le froid, que les approches de l'automne faisaient descendre sur la pente des glaciers plus intense et plus humide, étreignait mes épaules et raidissait désagréablement mes genoux. J'avalais un bol de punch et je me couchais sans souper. Il est très difficile de s'endormir dans un hôtel avant que tout le monde soit au lit. Jusque-là, le parquet sonore des couloirs est battu de pas lourds. Les gens de service interpellent et remuent des choses retentissantes. Des portes ouvertes crient en se fermant. D'autres crient dès qu'on les ouvre et leurs entrebâillements livrent passage aux récoltes pesantes de chaussures que les divers genres de promiscuité ont produites dans chaque chambre. Peu à peu, ce tumulte s'apaisa, mais l'énervement de fatigue où j'étais me tenait éveillé. Et à mesure que les bruits environnants diminuaient de force, mon oreille devenait impressionnable à des sons plus délicats. Je distinguais les bêlements lointains d'une chèvre égarée, les grelots d'un attelage qui trottait à une grande distance sur la route, puis le tic-tac de ma montre sembla tout à coup sourdre de sa boîte et se répandit dans le silence. Bientôt, j'entendis parler près de moi, derrière le mur de mon chevet, mais sur un ton si bas que je n'en eusse pas été averti sans l'extrême tension de mon ouïe surexcitée. Par un sentiment qui ne doit point m'être particulier, j'essayai de surprendre cette conversation. Des mots anglais traversèrent la cloison. « Annie, ma petite Annie, » murmurait tendrement une voix. « Vous n'irez pas, Henri, » répondit une voix plus tendre encore. « Promettez-moi que vous renoncerez à cette folle intention. »« Laissez faire ce qui est décidé, voulez-vous, mon doux cœur. » Un grand soupir prit sa volée, suivi de chuchotements confus pour moi. Quelques instants plus tard, je perçus de nouveau le dialogue. « Henri, vous désirez donc que je meure d'inquiétude ? Qu'est-ce que vous imaginez, ma chère petite chose ? Il faut que vous soyez sérieuse, laissez-moi vous embrasser. » Au bout d'un moment, j'entendis un rire léger, et l'un des interlocuteurs reprit. « N'avez-vous pas oublié, Annie, cette chambre d'Inverary, en Écosse? Elle était aussi petite que celle-ci, en vérité. Oh, taisez-vous, méchant! Le lendemain, je n'ai point osé vous regarder remplir le Saint-Office. » Cette fois, un rire mâle et fort résonna, mais il fut promptement étouffé. Ensuite, les voix devinrent très faibles, et il me sembla qu'elles ne s'exprimaient plus raisonnablement. Je ne saurais déterminer depuis combien de temps j'étais assoupi, lorsqu'une plainte aiguë, presque un cri, me tira du sommeil. La serrure voisine grinça, ma porte fut frôlée, quelqu'un descendit l'étage et sortit lestement. Une lueur rouge emplissait ma fenêtre. L'instinct m'y fit courir. Dans la rue, deux guides se tenaient sur la chaussée, munis de torches allumées, de cordes en bandoulière et de longues pioches. Un homme d'allure vive et de tournure distinguée les rejoignit. Quoique mal éclairé, sa figure me parut agréable et encadrée de petits favoris. Je remarquai aussi son vêtement noir et serré à la taille, comme celui des ministres anglicans. Il tenait un plaid dont ses guides l'enveloppèrent, et tous trois se dirigèrent à rapides enjambées vers la montagne, sous les flammes vacillantes et lugubres de la résine. Le firmament était radieux, et les plus belles d'entre les étoiles scintillaient au milieu de leur cortège. Longtemps après m'être recouché, j'entendis sonner à l'église l'heure de minuit. Chapitre 2e. Les rayons de l'aurore ne pénètrent pas à la vallée de Chamonix, d'où la grande ombre du Mont-Blanc est lente à se retirer. Il est déjà tard lorsque, sur les flancs démesurés de ce monstre, les immenses forêts de pins s'embellissent d'un reflet. Dans leur éloignement sombre, elles sont coupées çà et là par le cours large et clair des glaciers qui descendent de la cime jusqu'à la lisière des Moissons. À 2000 mètres au-dessus des dernières végétations, les aiguilles de la chaîne, d'où pendent des fils de givre, plantent dans l'azur du ciel leur rude pointe de granit rouge qui n'étincelle pas encore. Et puis, au-delà, très loin, très haut, dominant toutes les choses matérielles de la terre, près des limites de la pensée, le Mont-Blanc dresse sa tête de neige, ronde et lisse, sur laquelle le soleil levant s'est immédiatement posé. J'éprouvais un rare bien-être devant ce calme spectacle, et une inexplicable sensation de bonheur, lorsqu'une jeune femme vint s'asseoir à quelque distance de moi dans le jardin de l'hôtel. Elle était très jolie, blonde sous un chapeau de feutre gris, costumé de flanelle bleue avec un terrier noir sous le bras. Un corbeau privé qui errait sur les pelouses accourues. Elle lui jeta un morceau de sucre et lécha son petit chien. Aussitôt, les deux bêtes entrèrent en lutte autour de la proie. Le corbeau secouait furieusement ses ailes rognées. Le roquet poussait des aboiements comiques et rageurs. Sa maîtresse riait silencieusement et parfois levait les yeux, des yeux crédules et limpides, dans la direction du Mont Blanc. Moi, je ne regardais plus la montagne. Je suivais le manège de cette belle inconnue en ne songeant toujours à rien, mais je ne me sentais plus aussi heureux. Sur ces entrefaites, l'hôtelier s'était approché de nous et contemplait cette scène avec la mine satisfaite d'un propriétaire qui voit goûter une des attractions de sa demeure. Tout à coup, les sons d'une trompette aigre, comme celle qu'emploient les raccommodeurs de fontaines, retentirent à quelque distance. La jeune femme devint pâle, se releva brusquement, saisit son terrier par la peau du cou et partit en courant. L'hôtelier me dit alors avec bonhomie « Les femmes, c'est des enfants. » Je n'eus qu'à demander qui elle était pour apprendre que son mari, le révérend Henry Martindale, poursuivait, depuis la nuit précédente, la course du Mont-Blanc. Il avait pris ses mesures pour aller revenir en un seul jour, histoire de ne pas découcher, comme insinuait mon interlocuteur d'un air malin, tout en désapprouvant le tour de force projeté. La veille, paraît-il, une vive discussion avait publiquement agité les deux époux lorsque les guides désignés étaient venus aux ordres. « Non, tu n'iras pas !» criait la femme. Lui répondait tranquillement « J'irai, ma chère !» L'hôtelier les connaissait bien, ces satanés anglais. Combien l'en avait vu revenir, la face brûlée par la réverbération du soleil sur la neige, les joues pelées, la langue noire, les lèvres boursouflées, et tous accueillant les soins empressés qu'on leur offrait par le même refus. Ils étaient toujours « all right » et « no fatigue ». Ceux qui avaient mis si promptement debout Madame Martindale, c'est que la trompette l'avait prévenu qu'on commençait à percevoir les ascensionnistes dans le télescope. Je voulus savoir si le voyageur parviendrait bientôt au sommet. « Déjà 10 heures, » fit l'hôtelier en consultant sa montre. « Voilà tantôt 4 heures qu'il a dû quitter les grands mulets. Il ne sera pas au but avant 2h30 ou 3 heures de l'après-midi. Comptez ensuite 8 heures pour redescendre. Il ne peut être revenu avant 11 heures du soir, et encore s'il a emporté des jambes de rechange. » Sans m'attarder davantage, je me mis à la recherche du télescope, guidé par le tapage de la trompette. Dès que je parus, un petit gros homme à face réjouie interrompit sa musique et me proposa d'essayer son appareil d'optique. Ce n'est que 50 centimes pour toute la journée. Juste à ce moment, la place était occupée par ma voisine qui, de sa petite main, tenait son œil gauche fermé et regardait avec toute l'acuité de l'autre. Je fis signe au télescopiste que j'attendrais. Alors il s'approcha de sa cliente. « Madame m'a-t-elle bien vue ?»« Oui, » répondit-elle sans bouger. « C'est qu'il y a là un monsieur qui voudrait voir. » J'intervins immédiatement pour prier cette dame de ne point se déranger. Mais elle fit un pas en arrière et triompha de mon insistance en me déclarant, dans un français très correct, que son regard était fatigué. Le petit gros homme me dit alors « Monsieur voit-il bien ?»« Pas très distinctement. » Il manœuvra un bouton de cuivre. « Et maintenant ?»« Je ne vois plus rien du tout. »« Très bien. » déclara-t-il avec autorité, et elle recommença à tourner sa manivelle. Peu à peu, les voiles qui obscurcissaient le champ de la lunette s'évanouirent, et je discernais 3 points noirs qui s'agitaient dans l'immensité blanche. C'étaient des hommes, et ils avaient l'air de fourmis. La vision était poignante à méditer et grotesque à découvrir. En même temps, le Mont Blanc se révélait à moi dans sa grandiose horreur, sous un aspect nouveau. Le soleil inondait de sa lumière, enfin débordé de toutes parts, un chaos de neige éblouissante. Partout, le regard nu ne saisit qu'une surface inclinée, mais uniforme, la puissance du télescope mettant en valeur des pyramides de glace hautes comme des édifices et des crevasses larges comme des fleuves. Pêle-mêle des escarpements prodigieux et des taches sombres qui sont l'ouverture d'abîmes sans fond, des arêtes tranchantes, des blocs écroulés, des dômes, des cavités en forme d'entonnoir, des voûtes ébranlées, des ponts fragiles. Nulle trace de bête sauvage ni d'oiseau n'apparaît dans ces régions abruptes et gelées. Le seul bruit des avalanches et de la foudre éclate parfois dans leur désolation inaltérable. Les 3 hommes avançaient à petits pas, reliés à la ceinture par une corde mal visible. Leurs membres remuaient comme des pattes d'insectes. Le premier, avec sa pioche, taillait sans s'arrêter des degrés superficiels dans la glace. Les autres emboîtaient ses traces, le dernier chargé d'un sac. « Permettez !» me dit soudain le télescopiste, et, substituant son œil au mien, il s'écria. Dans un quart d'heure, ils vont atteindre le grand plateau et disparaître jusqu'à midi. » Sur ces mots, il emboucha éperdument sa trompette et se remit à sonner son bizarre ralliement. Je m'en retirai aussitôt, de façon à laisser la jeune femme jouir des dernières minutes d'un spectacle qui l'intéressait plus particulièrement que moi. Et la saluant avec respect, j'allai déjeuner. La grande salle à manger des hôtes était déserte, tous les pensionnaires de l'ours étant partis en excursion depuis l'aube, ceux-ci à la Flégère ou à Plopraz, ceux-là au Montembert ou aux gorges de la Diosaz. On me pria de prendre place au bout de la table, dont le couvert était déjà préparé entièrement pour le soir, et lorsque Madame Martindale apparut à son tour, on l'installa en face de moi. Il me sembla plus convenable d'entrer en conversation avec elle que de la dévisager sans mot dire, et d'autre part, elle était trop charmante pour que je me privasse de la regarder dans les yeux. « Vous n'avez pas été tentée, madame, lui demandai-je, d'accompagner monsieur votre mari au Mont-Blanc ?» J'avais adopté cette phrase d'introduction parce qu'elle était d'allure assez rassurante pour n'aviver aucune angoisse et propre en même temps à nous familiariser. Madame Martindale ne se formalisa pas de me voir renseigner sur sa situation et me répondit, avec une grâce mutine, qu'elle aurait été estimée comme un embarras. Elle s'informa aussi des projets que je pouvais former à l'égard de cette redoutable ascension. Je lui répliquai que la délicatesse de ma poitrine m'interdisait les altitudes où l'air est rare et froid. Cela la fit m'entretenir de son enfance qu'elle avait passée à Menton, condamnée par les médecins. Lorsqu'elle était encore toute petite, sa sœur aînée était morte là-bas, dans une maison verte de la baie de Garavan, entourée d'oliviers tristes et de citronniers. Les années s'étaient lentement écoulées au milieu de nouveaux deuils, mais la santé lui était tout à coup revenue. Et depuis son mariage, elle ne toussait presque plus. Ah, son mariage! Autant que j'en pus juger, toutes ses joies sur terre dataient de là. Elle se mit à me parler abondamment du révérend Henry Martindale. Elle m'apprit qu'il avait le même âge qu'elle et me cita, pour constater si nous avions des amis communs, toutes les personnes qu'il connaissait en France. C'étaient des Jackson, des Johnson, des Dixon, des Williamson à n'en plus finir. Et depuis lors, il ne fut plus question que de Henry, son Henry. De ce qu'Henry disait, faisait, de ce que pensaient de Henry les personnages les plus distingués, des pays qu'il avait déjà visités, de ceux dans lesquels il avait décidé de se rendre l'année suivante, etc. J'aurais voulu donner à cette petite bavarde une favorable opinion de moi par des réparties heureuses, des appréciations pleines de conscience ou de générosité, des allusions triées parmi les actes de ma vie dont je tirais quelques vanités. Ce fut impossible. Il n'y avait qu'Henri au monde et toujours Henri. Elle poursuivait une histoire interminable dans laquelle Henri, encore collégien, répétait pour je ne sais quel motif « Non, monsieur le recteur, vous ne me ferez pas plier !» lorsque les notes criardes de la trompette vinrent lui couper la parole. Instantanément, elle se leva, ainsi qu'elle avait déjà fait, et presque sans prendre congé de moi, d'un revers de main, elle décrocha son chapeau et s'enfuit comme une perdrix. « Petite Annie, vous ne m'avez point alors laissé l'idée que vous étiez un puits de science, ni un trésor d'esprit. Mais vous m'aviez montré une douce créature aimante. Et qu'avais-je d'ailleurs besoin d'écouter vos propos ? Lorsque j'étais libre d'admirer le jeu innocent de vos cils pudiques et des rondes fossettes de votre bouche. » Chapitre 3e. Avant de sortir, je m'acquittai de quelques lettres, et je prévais un ami qui m'attendait à Vevey que le lendemain je gagnerais la Suisse par le col de Balm. Ces occupations m'avaient assez longuement retenu, et lorsque je franchis le seuil de l'hôtel, je fus surpris des perturbations qui s'étaient produites dans l'atmosphère. Il soufflait un âpre vent d'ouest, et quoique les régions supérieures restassent sereines, des nuages roux et gris apparaissaient de différents côtés et circulaient, à 1000 mètres environ, au-dessus de la vallée. Ceux-ci, poussés en touffe dans les clairières, semblaient encore immobiles. Ceux-là, en loques, flottaient à la cime des vieilles forêts. D'autres, aux abords des cascades, s'élevaient comme des jets de vapeur, et subitement aplatis par la résistance de l'air, ils s'allongeaient à la base de l'aiguille du Midi et rampaient sur ses parois, en s'entortillant autour des pierres. Des nuées plus épaisses s'avançaient par le col de Vosa. Un coup de canon ne tarda pas à ébranler majestueusement les murailles naturelles de cette contrée close. Je savais que c'est l'usage local de célébrer ainsi l'arrivée des touristes au sommet du Mont-Blanc. Cela m'inspira la curiosité d'examiner l'attitude d'un de mes semblables qui planait sur toute l'Europe, et de l'horizon prodigieusement élargi s'élevait aux Apennins, parmi les races latines, pour retomber dans les plaines où naissent le Danube et le Rhin, entre la forêt noire et les monts de Bohême. Je me dirigeai encore une fois vers le télescope qu'un public nombreux entourait. Comme il était facile de le supposer, Madame Martindale était là, nerveuse, impressionnée, attendant son tour. Le petit gros homme se démenait avec bonne humeur. « Apercevez-vous bien les bosses du chameau ? » disait-il. « C'est l'endroit le plus périlleux de la descente. » Et faisant évoluer son appareil. « Maintenant, voilà les rochers rouges. La pente qui les précède est également très pénible. Pouvez-vous me dire ce qui la termine ?»« Une crevasse, » répondit un vieux monsieur qui se courbait avec effort et tendait l'œil en ouvrant la bouche. « Une crevasse, c'est bien cela, » fit l'homme enchanté. « La catastrophe du docteur Hamel est survenue là. Trois hommes ont péri. Et ce petit garçon, il voudrait bien regarder aussi. Oui, madame, c'est 50 centimes aussi pour les enfants. » Quelqu'un annonça bientôt que la caravane se remettait en marche et l'ajouta. « Le touriste a l'air de n'en plus pouvoir. » Je jetai un coup d'œil sur madame Martindale. Elle n'avait peut-être pas prêté attention à cet avis, car sa physionomie demeura impassible. Mais dans ses doigts nus, elle tordait ses gants avec une impatience fébrile. Avant qu'elle pût s'approcher, une famille entière dut encore se succéder. La mère, une personne maigre et âgée, murmura seulement « Oh, les malheureux, a-t-il permis ?» Le père, et après lui les fils, deux grands jeunes hommes, rayonnants de santé, ricanèrent de la peine que prenait l'ascensionniste. Ils s'interpellèrent pour se demander si, franchement, ils ne préféraient pas, les uns et les autres, être là où ils étaient. « Hein, mon gaillard ?» Parbleu, pas si bête. Je fus indigné de cette gaieté. Ce n'était point seulement parce que ma nouvelle amie pouvait en être froissée. Ce n'était point non plus que le fait de gravir le Mont-Blanc me parut une forme bien recommandable de courage. Mais quelque chose m'avertissait que dans les alternatives de la vie, en présence du danger nécessaire ou de toute autre circonstance critique, le rôle méritoire eût été moins volontiers assumé par ses passants que par le marcheur inconnu et là dont il se moquait. Enfin, Annie Martindale s'empara de la longue-vue. Elle fronçait les sourcils, ses dents étaient serrées. Le soleil s'était lentement couvert. Un rayon oblique s'échappait encore jusqu'à la chaîne du Brévent. Mais les nuages nouveaux montaient, suivis d'autres sous le vent, et se pourchassaient maintenant vite sur les pentes du Mont-Blanc. Les grands mulets furent enveloppés d'un brouillard bleu, comme une fumée de cigarette, qui se déployait au-dessus de ces puissants rochers avec la prestesse d'un émantail. Tout à coup, la jeune femme se redressa très émue, la gorge palpitante, et elle me dit, comme elle se fût sans doute adressée à quiconque lui avoisinait, « Henri est disparu derrière le nuage. » L'homme au télescope qui soufflait dans sa trompette s'arrêta subitement à ces mots et considérant la montagne. « Oh oh » fit-il, « l'orage se dispose. On ne verra plus rien aujourd'hui. » Je m'empressai d'ajouter, « Il ne faut pas vous alarmer, madame. Les nuages vont se dissiper aussi vite qu'ils se sont formés. » Et tirant un baromètre de ma poche, je lui fis constater que le temps était au beau. J'achevais à peine ma démonstration quand un coup de tonnerre éclata brutalement. Par un geste inconscient, la pauvre petite boucha ses oreilles et se sauva vers l'hôtel ainsi qu'une folle. Je pensais qu'elle allait prier. Une demi-heure après, l'orage était installé au-dessus de Chamonix. Les fracas de la foudre, prolongés par un système d'écho inouï, roulaient sans interruption. Des gouttes d'eau pesantes et d'abord espacées étoilèrent la poussière, puis l'averse devint drue, plus fine et générale. Chapitre 4e. Je revenais de la poste lorsque je fus assailli par une vive bourrasque chargée de grelons, et je dus m'abriter sous le vent d'un vendeur d'agate et d'améthyste où un groupe d'individus s'était déjà rangé. Ces gens, robustes et hâlés, les mains dans les poches et les yeux à terre, s'entretenaient de la montagne comme des enfants parlent d'une marâtre. Ils échangeaient des réflexions terribles, d'une voix douce et résignée. Il y avait trop longtemps qu'elle n'était pas mauvaise, murmura l'un. Je sentais bien que ça ne pouvait pas durer. Un autre reprit. C'est dur tout de même d'avoir à lui mendier son pain. Et tous se mirent à discuter les chances de survie qui pouvaient rester à la caravane. À la hauteur où elle est encore, ce n'est bien sûr pas de la pluie qu'elle récolte, c'est de la neige. Dans ce cas-là, on ne distingue pas 5 pas devant soi. De peur des abîmes, on n'ose pas avancer. C'est pas tout ça, objecta un vieillard. Mais de quel côté veux-tu qu'on se dirige? Quand on ne voit partout que de la neige sous ses pieds, sur sa tête, à gauche, à droite, on ne sait plus où aller. Il n'y a pas de carte ni de boussole qui tienne. Il faut demeurer sur place et s'asseoir si on ne veut pas être décroché par l'ouragan. Oui, et puis que ça dure seulement une couple d'heures et on est gelé. Moi, tant pis, j'irai de l'avant. » Le vieux, qui s'était déjà prononcé, se contenta cette fois de hausser les épaules et de hocher la tête, un homme qui avait appris à discerner le possible de l'impossible. Comme un guide passait, en hâte, ruisselant d'eau, ses camarades lui hélèrent. « Eh Jean, tu retournes au hameau ?» Jean fit un signe affirmatif et continua son chemin. Alors celui qui était auprès de moi me dit « C'est le père et le frère à Jean qui sont en détresse avec l'étranger. Il va tenir société à la vieille. » Depuis quelques minutes seulement, je venais de comprendre tout le tragique de la situation. Jusque-là, grâce au sang-froid avec lequel on envisage ordinairement les aventures d'autrui et à la tendance qu'on a d'en atténuer la gravité, le sort des voyageurs ne m'avait point inspiré de sollicitude définie. À la vérité, j'avais vaguement entrevu qu'une complication s'adjoignait aux difficultés normales de leur itinéraire. Mais je ne m'en étais point tourmenté, l'obsession des soucis personnels m'ayant promptement ressaisi. Désormais renseigné par l'expérience des montagnards, je savais qu'une question de vie ou de mort était en suspens, et l'instinct de la solidarité humaine s'éveillait chez moi. La densité des nuages s'accroissait sans cesse et la chute du soir fut rapide. L'intempérie avait chassé les promeneurs des rues de Chamonix. Quelques habitants étaient réunis dans certaines boutiques où les lampes étaient allumées. Chez les photographes, les cabaretiers, les marchands de cannes, de chaussures et de bois sculptés. D'une porte à l'autre, on colportait, non point des nouvelles, mais des appréciations et des souvenirs. On délibérait sur la catastrophe probable, sans s'agiter, puisqu'on n'y pouvait rien. Il ne manque au point, par-ci par-là, du beau parleur qui imagine ce qu'il conviendrait de faire une autre fois, ni de celui qui a vu plus fort que cela. Enfin, la cloche de l'ours sonna la convocation du dîner. Contrairement à la coutume, les convives étaient loquaces en se mettant à table, désireux sans doute de rééditer les opinions qu'ils venaient déjà d'exposer ou d'entendre dehors, de diverses parts. Ils débattaient les alternatives du drame qui s'accomplissait librement. Et peu à peu, le sujet s'épuisa, les conversations se particularisèrent, chacun substituant sa propre individualité à celle des héros en cause, par des analogies prétendues et des comparaisons anecdotiques. Deux sièges restèrent vides à côté de moi, et on les avait indiqués tout d'abord comme ceux où, l'abeille, le pasteur et sa femme s'étaient placés pour le repas du soir. À 7 heures, je me les représentais sans cesse, l'un perdu dans les déserts glacés, muet, accroupi sur la neige, le menton entre les genoux, l'autre réfugié dans sa misérable chambre d'hôtel, éperdu d'angoisse, aucune torture physique ne venant la distraire. Et je me demandais qui des deux était le plus seul et qui avait le plus froid. Chapitre 5e. Toute la nuit on pleura dans la pièce voisine, et des supplications adressées à Dieu s'échappèrent avec des sanglots déchirants. Je ne me couchais point. Enveloppé d'une couverture de laine, je me tenais devant ma fenêtre ouverte, sondant du regard la profondeur de l'obscurité, la figure cinglée par un vent humide. Le tonnerre grondait encore par intervalles. La pluie tombait toujours, en bruissant sur les tuiles du toit, et les gouttières ruisselantes se dégorgeaient avec des retentissements sourds, monotones et sinistres, ainsi qu'en provoquent les pelletées du fossoyeur. Parfois, les plaintes de l'abandonné prenaient un ton plus âcre, et c'était comme des cris de révolte. Je songeais alors aux caprices de la nature par lequel ces deux êtres qui s'appelaient étaient à la fois si près l'un de l'autre et si loin, si près qu'avant le trouble de l'atmosphère, ils pouvaient se voir et presque échanger leurs pensées par des signes, si loin qu'aucune volonté ni puissance humaine n'était capable de les réunir, et que peut-être leur séparation commençait pour l'éternité. Puis les gémissements s'attendrissaient et se modelaient en soupirs d'amour. J'eus la réminiscence de cette phrase écoutée la veille. « Vous souvenez-vous, Annie, de cette petite chambre d'Inverary? Elle n'était pas plus grande que celle-ci. » Hélas! Cette petite chambre inoubliable d'Écosse, elle n'est ni à Inverary ni à Chamonix, mais elle est partout. Moi aussi, je l'avais habitée. C'est celle où l'on a été deux et où l'on s'est aimé. À certains moments, il me sembla que la douleur d'Annie Martindale s'apaisait et qu'il passait probablement dans sa poitrine un souffle d'espérance. Je me surpris à partager les illusions que je lui attribuais et un retour heureux me semblait vraisemblable. C'était faire bon marché de la tempête, du manque d'abri et de provisions, des 20 degrés de foie qui en serraient les pieds et pesaient sur le torse mal couvert du pasteur. Subitement, je m'étonnais de ce que sa destinée seule m'eût touché jusque-là, et que je n'eusse pas encore associé dans ma commisération ses compagnons d'infortune. Pourtant, ils m'étaient également inconnus tous les trois. Elles auraient dû m'être aussi indifférents ou m'intéresser au même degré. Les autres aussi étaient attendus par une femme éplorée, la vieille, comme on l'avait désignée, qui était doublement frappée dans ses affections d'épouse et de mère. Je ne m'en préoccupais pas néanmoins. J'acceptais délibérément l'idée de leur perte. Sans doute qu'à mon insu, par l'égalité de la classe sociale, je m'identifiais davantage aux épreuves de M. Martindale. N'y avait-il pas aussi dans l'affaire de ce dernier une femme jeune et jolie dont je m'étais approché? Quelle misère! Une seule fois, ma voisine ouvrit sa fenêtre. Je me penchai, je crois qu'elle m'aperçut. Mon intention était de lui adresser la parole. Mais lorsque je cherchais ce qu'il m'était permis de lui dire à cette heure tragique, je reconnus le néant ou l'absurdité des mots consolateurs. Et je n'osais point davantage essayer de la réconforter par des assurances hasardées, dans l'ignorance où j'étais de l'avenir. Oh, que j'aurais voulu ne point être là! Je restai donc silencieux, contemplant avec une liberté inconsciente ses cheveux épars, ses beaux yeux rougis et noyés de larmes, ses mains enfantines et crispées autour d'un mouchoir mince par l'extase de la douleur. Il me sembla que son regard m'implorait quand elle se retira. Peut-être aurait-elle préféré que je lui parlasse, même pour lui dire des mensonges qu'elle n'aurait pas cru. Je sortis de très bonne heure et je me promenais pendant très longtemps à l'aventure. Le vent avait sauté vers le nord, mais il pleuvait toujours. Les routes étaient détrempées et sur les flancs des monts, l'eau bondissait de toutes parts en torrents. De loin en loin, je rencontrais des gens de la vallée que je consultais sur la durée probable du mauvais temps et dont je tirais des oracles contradictoires. J'atteignis enfin le hameau de Servoz et je déjeunai dans une auberge devant laquelle deux aigles captifs, le mâle et la femelle, glapissaient pitoyablement, tandis que leurs prunelles ardentes invoquaient la voûte menaçant des nuages. Par un retour, je me demandais si la prévoyance humaine n'aurait point accompli une œuvre meilleure, en ayant enchaîné le couple Martindale à la place de ces farouches oiseaux, et en ayant rendu ceux-ci à leur jeu familier parmi les rafales. Vers le milieu de l'après-midi, la pluie avait cessé dans la plaine et je regagnais le chemin de l'hôtel de l'ours. Le voile du ciel commençait à se déchirer, et sur l'aiguille du goûter, qu'enveloppaient encore des brumes jaunes comme les émanations d'un fourneau d'asphalte, déjà les saillies lumineuses de neige crevaient l'ombre de la nuée, ainsi que des phares blancs. Après une longue marche, qui m'avait ramené au-delà des premières masures de Chamonix, j'eus en me retournant le spectacle d'une apparition sans pareil. La bise avait dégagé le Mont Blanc des nuages qui le cachaient depuis 24 heures. La flamme affaiblie du soleil couchant reprenait l'empire et transformait cette partie de la terre en un océan rose où des rocs bruns et rares émergeaient comme des îlots. Je pensai aussitôt à Annie Martindale, et il me sembla que son visage désolé recevait le reflet fugitif de cette teinte radieuse. Mais, comme si la vie s'en retirait, la montagne ne tarda pas à être reconquise par son habituelle lividité. J'arrivai sur la place à temps pour assister aux préparatifs d'une troupe de 12 guides qui, sur la convocation du maire, avait réclamé la tâche ingrate et redoutable de rechercher la caravane perdue. Ils s'en allaient coucher à la cabane des grands mulets, afin de partir dès l'aurore à la découverte, parmi les défilés de glace pourvus d'avalanches fraîches et les champs de neige où les fondrières de la ville ne se détachaient plus. La foule des indigènes et des étrangers entourait respectueusement ces héros ignorés, et le prêtre de la paroisse leur donnait la bénédiction. Chapitre 4e. La nuit se passa sans incident. Je supposais même que ma voisine, accablée par la fatigue, avait trouvé quelque sommeil, car rien ne me révéla son existence. Il est possible aussi que je ne l'ai pas entendu parce que j'ai dormi mal, mais longtemps. Je fus éveillé en sursaut vers 8 heures du matin par la trompette grêle de l'homme au télescope. Tout ridicule que fût ce bruit, il me causait une sensation profonde, et d'autres songèrent peut-être, comme moi, à l'appel des morts que l'ange doit faire dans la vallée de Josaphat. Quelques instants plus tard, je sortais avec empressement de ma chambre quand Annie Martindale ouvrit sa porte et se présenta transfigurée, le regard et la mise en désordre, couverte encore de l'habillement qu'elle portait 2 jours auparavant. « Monsieur, me dit-elle, je ne vous demande que la vérité, mais quelle que soit la nouvelle que vous ayez à m'annoncer, promettez-moi de me l'apporter dès que vous la connaîtrez. » Et l'éternel enfant qu'est la femme s'excusa de son indiscrétion, de son aspect même, si je compris bien, du fouillis de sa chevelure. Lorsque je fus dehors, une partie de la population répandue dans la rue discutait déjà des renseignements acquis. Le guide-chef, auquel un accord tacite avait réservé l'usage du télescope, lâchait de temps en temps quelques mots. Ils sont 8 à redescendre dans les grandes montées. Ils rapportent 2 corps. Les voilà qui s'arrêtent. On change les porteurs. Des voix s'élevèrent. Et le troisième, ceux qu'on ramène, ont-ils l'air de remuer? Peut-on les reconnaître? Non, fit le guide-chef en se frottant les yeux, et se tournant vers celui qui était le plus proche. Regarde si tu seras plus habile. L'autre continua. Ils repartent à la file, 2 devant, 2 derrière, les porteurs au milieu. Mais pour dire qui c'est, vrai, je ne le pourrais pas. Où sont donc les 4 autres? Il fit circuler l'objectif. J'en aperçois maintenant qui reviennent par le mur de la côte. Nom de nom, un qui glisse. C'est pourtant pas l'occasion. Ah, bravo, bien relevé. Ils dévalent par le corridor. Je ne les vois plus. Un brouhaha planait sur la foule. C'étaient les hypothèses qui allaient leur train. Les corps retrouvés, étaient-ils morts ou vivants? Quels étaient-ils? Les 2 guides, ou l'un d'eux, et le touriste, qui était devenu le 3e? Tels étaient les problèmes que le public agitait passionnément, sans même posséder les indices qui autorisent à supposer. Toutefois, je n'en avais pas moins à m'acquitter de ma mission. Estimant qu'il ne servait à rien d'attendre encore, je remontais. Après avoir frappé, j'entrais dans une chambre où régnait un parfum subtil. Sans y faire attention, je distinguais confusément que le lit n'était point défait. De petites pantoufles coiffées du chapeau de feutre gris se dressaient sur la cheminée. Au-dessus d'une malle étroite et ouverte bouffaient les vêtements de 2 sexes étrangement accouplés, et leur surgissait le fin museau d'un chien qui grogna. Au milieu de ce désarroi, une femme, agenouillée sur le parquet, se leva pour me recevoir. « C'est affreux » s'écria-t-elle. Lorsqu'elle m'eut écouté, « Dieu saint, n'ai-je point assez souffert ?»« Henri est peut-être sauvé, moi je ne le sais pas. Quelle est votre idée, monsieur ?»« S'il revenait cependant avec la troupe qui ramène ses compagnons ?»« D'ici on ne reconnaît personne. Pourquoi ne serait-il pas un de ceux qui marchent en avant ou en arrière ?»« Henri est si énergique et si adroit. » Comment n'en rapporte-t-on que 2, tandis qu'ils étaient 3, attachés ensemble? Puis, regardant autour d'elle, comme pour s'assurer qu'elle n'oubliait rien, elle ajouta « J'y vais ». Je l'arrêtai aussitôt en lui représentant que sa tentative était inutile et même impraticable pour une femme dans l'état du chemin. Elle m'interrompit « Je passerai malgré tout. On ne vous laissera pas partir. » À cette menace, elle réfléchit, et tout d'un coup, avec un sans-gêne sublime, mais une femme devine aisément qu'on lui est soumis. « Monsieur, me dit-elle, allez au Grand Mulet. Je ne peux plus rester dans le doute. » Les larmes et les suffocations l'étouffèrent. J'avais, d'un geste, accepté la tâche. Mais l'homme est tellement égoïste qu'en même temps j'eus la faiblesse de remarquer qu'elle ne se souvenait plus de la confidence que je lui avais faite naguère sur la sensibilité de ma poitrine. Ce sentiment d'amertume n'eut que la durée d'un éclair, mais il traversa mon âme, je le confesse. Elle reprit d'une voix entrecoupée. Il y a sur la cabane un drapeau qui flotte toujours et qui apparaît très bien dans la longue vue. Si je ne dois plus espérer, vous ferez plier la toile autour du mât. Tant que je n'aurai point vu ce signal, je serai patiente et confiante. » Annie Martindale pleurait bien fort en parlant ainsi. Mais rien ne fut plus lamentable que le sourire composé par ses lèvres pour me remercier quand elle me dit adieu. Chapitre 7e. À 4 heures de l'après-midi, et non sans aide ni sans peine, j'abordais le premier rocher des Grands Mulets. La plupart des éclaireurs y étaient de retour. En attendant leurs camarades, ils se réchauffaient, mangeaient, buvaient devant un foyer, et dans la légitime appréhension d'une descente nocturne avec leur funèbre charge, ils avaient remis leur départ au lendemain. Au fond d'une petite pièce où l'on me conduisit, 2 cadavres sur le même lit reposaient de toute leur étendue rigide. On me désigna une face bleuie qui terminait un corps raide et svelte. « C'est l'anglais. Celui qui a la barbe grise. C'est le père Gaillard. Son fils aura dû chercher à s'évader en se séparant de ses compagnons. Tenez, voici la corde qui relie encore les 2 qui sont là. Le bon a été coupé avec un couteau. Il faut que le malheureux ait glissé dans quelque gouffre, car nous ne l'avons pas retrouvé. » Je couvris d'un long regard la dépouille mortelle du révérend Henri Martindale. Et si les mirages d'un cerveau en ardeur pouvaient s'en détacher et se condenser dans l'air, j'eusse laissé à ce jeune homme, pour le veiller pieusement, l'image idéale de sa chère Annie, que j'avais apportée en moi. Sur la poitrine effondrée du pasteur, un objet plat saillissait dans une poche de la tunique. Je ne crois pas avoir commis une profanation en y portant la main, car l'esprit de recueillement ne m'avait jamais pénétré davantage. Je retirai un carnet de l'Alpine Club, qu'une écriture serrée avait couvert de notes. À un endroit, les caractères devinrent soudain moins sûrs, presque grossiers, peu distincts. Cela était daté de l'avant-veille. J'y déchiffrai ces lignes sans apprêt et même naïves. Mais les mots prennent une valeur imprévue quand ils figurent dans un testament et lorsque leur simplicité révèle la hâte d'un agonisant. 7 heures du soir. Comme il fait froid. Les guides sont très inquiets. Nous venons de partager les vivres. Le pain et le vin sont gelés. La foudre fait un bruit terrible et doit souvent s'abattre auprès de nous. Mais les nuages qui nous enferment sont si épais qu'on n'aperçoit pas les éclairs. J'écris avec une torche entre les genoux. Quand serons-nous délivrés? Il neige toujours. J'ai peur de ne plus revoir Chamonix. La page avait été abandonnée sans être finie et la suivante reprenait ainsi. Quelle heure est-il? Ma montre est arrêtée à 3 heures du matin. J'ignore si mes hommes dorment ou s'ils sont évanouis. Mais ils ne me répondent plus. Pour moi, je suis perdu. Déjà mes pieds sont gelés. Je vais mourir, croyant en Dieu et en Jésus-Christ. Ici, une grosse barre, tirée à 3 reprises, séparait ce qui précède de ce qui suit. À une amie bien-aimée. Je ne vous verrai plus dans ce monde. Me convaincre de cette vérité est le seul mal que j'éprouve encore. Sachez que vous avez été toute ma félicité, ô vous, vertueuse, modeste, brave petite femme. Vous n'étiez craintive que pour moi. Oh, si je vous avais écouté, je serais juste à présent dans vos bras. Je voudrais être bien sûr que vous me pardonnerez la peine que je vous cause. Soyez assez généreuse pour répondre à nos amis qu'Henry Martindale a été tué en essayant une entreprise dont vous êtes fière. Je sais la figure noble et hardie que vous aurez pour soutenir cela, Annie adorée. Laissez-moi encore vous déclarer que la raison était avec vous le jour où je vous ai fait tant pleurer parce que vous aviez accepté les fleurs de la tante Cora. Quand vous la verrez, priez-la en mon nom d'oublier nos discordes et de se convaincre que j'étais un caractère vif, mais non pas un parent dénaturé. Combien de choses j'aurai encore à vous expliquer. Ainsi le soir où je suis rentré si tard à Stirling, sans vouloir vous dire d'où je venais. Mais vous ne devez plus vous rappeler cette futilité. Hélas, mes doigts glacés ne peuvent plus rien tenir. Mes yeux se ferment malgré moi. Il me semble que l'aurore doit avoir commencé pour vous. Mais ici, la neige redouble d'intensité, et ma torche s'éteint. Au revoir, mon Annie, dans l'existence éternelle. Pour vous sera mon dernier soupir. Au-delà, les traces de crayon sur les feuillets étaient informes et ne ressemblaient plus à des lettres. J'avais lu à haute voix, et les guides, approchés peu à peu sur la pointe de leurs gros souliers, m'avaient écouté silencieusement, en essayant comme moi de grosses larmes sur la peau tannée de leur visage. Lorsque j'eus repris du calme, je m'avisai qu'il était tard et que je ne pouvais plus désormais différer mon retour. Je me souvins aussi de mon devoir envers la veuve. Le drapeau, libre et triomphant, claquait au-dessus de ma tête. Je le contemplais douloureusement, en songeant à celle qui là-bas respirait plus fort à chacun de ses élans. Et je réfléchissais qu'il ne dépendait plus que de mon ordre d'étouffer dans les plis de ce drapeau l'âme qui s'envolait jusqu'à lui. « Tant qu'il sera déployé, m'avait avoué la faible créature, je serai confiante et patiente. On peut me juger comme on voudra, je partis sans faire amener le pavillon. » Il vous restait encore, Annie Martindale, quelques heures à sentir palpiter dans votre cœur les illusions les plus sacrées, vos rêves de bonheur, les espérances de votre jeunesse, la foi de votre innocente vie. Je n'ai point eu le courage de vous arracher ces biens irrécouvrables avant la dernière minute fixée par le destin. Lorsque le temps de me maudire aura été passé, beaucoup plus tard, vous aurez peut-être compris et pardonné la trahison que m'avait inspirée envers vous une de ces amours éphémères, discrètes, chaste et bonne, qui parfume la pensée d'un souvenir triste et pur. Je ne rentrai pas dans Chamonix. Sur ma demande, mes guides me conduisirent à travers les bois jusqu'au village d'Argentière, d'où j'envoyais quérir mon bagage et payer l'hôtel. Ainsi s'achève une aventure au Mont-Blanc par Paul Hervieux.